tu ne seras pas confondu, ma sœur. Tu ne seras pas confondu, mon frère. La Bible du Semeur rend ces versets comme suit. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte. Mais honte à ceux qui te trahissent sans raison. Dieu a promis à Israël qu'il ne sera pas confondu, car ses fils qui étaient partis en captivité devraient retourner. Et qu'Israël, qui était considéré comme une femme veuve privée de son mari, allait oublier ce temps de veuvage. C'est pourquoi il dit dans Ésaïe 42, verset 4, « Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. » Par contre, David dit que ce sont les infidèles qui seront confondus. Plusieurs passages de la Bible montrent comment Dieu promet de confondre nos ennemis. Oui, je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui te combattent. Mais laisse-moi te dire, si tu restes attaché à ton Dieu, il va les confondre. Ésaïe 41, 11 à 12 dit, « Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. » Deuxième vérité que nous révèle ce psaume. Dieu veut nous conduire dans la vérité. Humilions-nous pour accepter sa direction. Très souvent, nous échouons parce que nous ne suivons pas la direction de Dieu. Je vais dire à un frère, tu as commencé une entreprise, mais avant de commencer, cherche la direction de Dieu. Tu ne dois pas le faire pour imiter les autres. Cherche la direction de Dieu. Même lorsque tu es dans un combat, le combat spirituel, il faut combattre selon la direction de Dieu. Il faut donc cultiver l'humilité. David a compris cette réalité. C'est pourquoi il demande à Dieu de lui faire connaître ses voies et de les conduire dans la vérité. Verset 4 et 5. C'est Dieu qui montre aux pécheurs la voie, selon le verset 8. Il conduit et enseigne les humbles dans la justice. Nous devons donc nous débarrasser de tout orgueil et accepter de nous humilier devant lui en acceptant sa direction. David était ce roi qui pouvait s'humilier devant le prophète Nathan pour reconnaître son péché. Selon 2 Samuel 12, verset 13, je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, tu peux être directeur de société, tu peux être ministre, tu peux être député, tu peux être commandant, tu peux être ambassadeur, mais si tu es chrétien, apprends à t'humilier. Peut-être que celui que tu méprises, même un subalterne, parfois peut te dire la vérité. Nathan est parti révéler son péché au roi David parce qu'il avait pris la femme d'autrui. Mais il s'est humilié, il a demandé pardon. Souvent, quand tu t'humilies, tu dois reconnaître, tu dois demander pardon. Je vais dire à un homme, écoute-moi bien, ça te fait quoi de reconnaître que tu as fauté devant ta femme? L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. David pouvait également s'humilier devant Dieu face à l'adversité. C'est cette attitude qui était l'une des clés qui lui permettait de remporter de grandes victoires. L'autre condition pour bénéficier de la direction divine, c'est de marcher dans la crainte de son nom. Verset 12. Lorsque nous le craignons, nous expérimenterons aussi son amitié. Vous voyez, il dit, l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Verset 14. Jésus nous a promis le consolateur, l'esprit de vérité, pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Et pour nous conduire dans toute la vérité, si nous acceptons la direction du Saint-Esprit, il nous révélera la volonté divine et nous enseignera. Dans Jean 14, verset 26, il dit, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il dit encore dans Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Troisième vérité, l'Éternel se souvient et regarde. Il voit notre misère. Je veux parler à quelqu'un. Tu souffres, tu es opprimé au niveau de ton travail. Mais je vais te dire, Dieu voit ta misère. Il connaît ta souffrance. Les trois verbes que David utilise dans ce psaume nous permettent de comprendre combien Dieu est attentionné à nos situations. Il dit « souviens-toi ». C'est le premier verbe. David demande à Dieu de se souvenir de sa bonté et de sa miséricorde, car elles sont éternelles. Verset 6. Il demande à Dieu de se souvenir de lui selon sa miséricorde. Verset 7. Un Dieu bon et miséricordieux est un Dieu qui pardonne et qui veut le bien de son peuple. C'est pourquoi il lui demande également de ne pas se souvenir des fautes de sa jeunesse. Dieu nous donne cette cette promesse. C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ésaïe 43, verset 25. Je vais parler à une jeune fille, écoute-moi bien. C'est vrai que tu as commis des avortements, mais laisse-moi te dire, dès le moment où tu as donné ta vie à Jésus, tu t'es repenti de tes péchés, le Seigneur a effacé, il a pardonné tes péchés, tu ne dois plus te sentir coupable. Lorsque nous acceptons Christ, nous recevons le pardon de nos péchés. Mais il arrive que certains chrétiens ignorants continuent à se culpabiliser pour les péchés qu'ils ont commis avant leur conversion. Cette culpabilité vient de Satan qui est l'accusateur des frères et non de Dieu. Et tu dois chasser, tu dois refuser l'esprit de culpabilité. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Deuxième verbe, David dirait, regarde-moi et aie pitié de moi. Verset 16. Lorsque David disait à Dieu de le regarder, il se sentait abandonné. Il vivait dans l'angoisse, dans la détresse. Plusieurs personnes souffrent aujourd'hui à cause de l'isolement et de la stigmatisation. Par exemple, les gens malades de VIH ou d'autres grandes pandémies sont souvent abandonnés, même par leurs proches. Peut-être que c'est ton cas, mais laisse-moi te dire, le Seigneur regarde, il a pitié de toi. Troisième verbe, il dit « Vois ma misère ». Dieu voit, vois ma misère et ma peine. Verset 18, David faisait cette prière à cause de ses ennemis qui étaient nombreux et qui nourrissaient contre lui une haine violente. Il peut arriver que nous menions une vie misérable causée par nos ennemis qui nous persécutent. C'est cette situation qu'a vécu Israël en Égypte où il fut maintenu dans l'esclavage pendant 430 ans. Mais un jour, Dieu y suscita Moïse pour libérer son peuple en disant « Je vis ta souffrance, je vu ta misère. Je vais dire à quelqu'un, tu es lié, tu ne peux pas bien dormir la nuit. Le Seigneur te dit, je vis ta misère. Aujourd'hui, je vais te libérer. Je vais briser tes chaînes. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ce cantique. gloire au Seigneur. Louange à notre Dieu le Père. Louange à Jésus-Christ. Louange au Saint-Esprit. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, le révérend Dieudonné Ngoumbi. Nous prions aujourd'hui selon le psaume 25. Nous encourageons tous ceux qui reçoivent, oui, par WhatsApp, par les médias sociaux, à partager aussi OSB. Nous allons prier le Seigneur. Prions Dieu. Demandons à Dieu de nous conduire par son esprit sur le chemin de la vérité, dans toutes nos décisions et dans nos choix. Demande à Dieu lui-même de te conduire. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu de nous aider à marcher dans l'humilité et dans la crainte de son nom, comme David a marché. Tu dois apprendre à t'humilier. Tu dois chasser tout esprit d'orgueil. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Te dis merci ce matin parce que nous sommes réveillés en bonne santé et tu nous permets d'être dans ta présence pour toujours intercéder, prier, te louer, t'adorer, te célébrer. Merci Seigneur. Ta parole déclare que l'humilité précède la gloire, l'orgueil, la chute dans nos actes, dans tout ce que nous faisons. Permets-nous de vivre une vie d'humilité, une vie de consécration, une vie de crainte de Dieu, notre Père. Nous t'en supplions. Donne-nous la force, quel que soit ce que nous rencontrons comme difficulté, la responsabilité que tu nous as confiée à exercer ces activités dans l'humilité, avec les petits à se comporter comme petits, avec les grands à se comporter aussi comme grands, mais dans l'humilité. Oui, Seigneur, donne-nous cette force. Permets-nous à toujours lire ta parole, celle qui va nous enseigner sur l'humilité. Nous t'en supplions, Seigneur. Soutiens tes enfants qui ont des difficultés avec l'humilité. Oui, c'est de te prier, te demander, rends-moi humble. Rends-moi humble, Seigneur, dans mon foyer, là où je travaille, là où tu m'as placé. Accorde-nous l'humilité. Accorde-nous ta crainte. Accorde-nous, Seigneur, notre Dieu, notre Père, la consécration. Merci, Seigneur, parce qu'avec toi, tout est possible. Au nom de Jésus, amen. Amen. Nous allons prier pour implorer l'Éternel, afin qu'il se souvienne de nous, qu'il voit notre misère lorsque nous sommes malades, lorsque nous sentons persécutés, ou nous traversons des moments difficiles, où nous sommes persécutés, opprimés par les puissances diaboliques. Et Dieu voit la misère de tous ceux qui sont opprimés et qu'il étende sa main maintenant pour les briser les chaînes, pour les libérer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous te disons merci parce que tu es l'auteur de la vie. Les yeux que tu nous as donnés ont été créés, placés là par toi, les oreilles. Et toi, tu écoutes nos cris. Tu vois ce que nous traversons comme difficulté, comme peine, comme humiliation, comme rejet, comme désert, comme misère, comme disette. Notre Dieu, tes enfants souffrent dans la main de ceux qui ne te connaissent pas. Ils sont cruels, ils sont méchants, ils sont insensibles aux pleurs de tes enfants. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, de te souvenir de tes enfants qui souffrent là où tu les as placés parce qu'ils sont chrétiens. Ils souffrent, notre Dieu, à cause de la maladie. Ils souffrent à cause de la solitude. Ils souffrent parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils souffrent parce qu'ils ne travaillent pas. Ils souffrent, Seigneur, c'est vers toi seul. Ils élèvent leurs mains. Nous t'en supplions, Seigneur. Viens au secours de ton peuple. Viens au secours de tes enfants. Viens au secours de ceux qui t'ont accepté comme Seigneur Sauveur personnel. Ils ont besoin de force pour continuer. La route est rocailleuse. La route est difficile. La route, Seigneur, est parsemée de beaucoup d'embûches. Ils ont besoin d'avancer dans la sérénité, dans la foi, dans la confiance totale. Seigneur, je te recommande tous tes enfants là où ils sont et souffre, souviens-toi. Honore ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter mon